devant les informations. Aujourd'hui, Paul a été puni. En Libye, c'est la révolution. Il avait emmené ses toupies. Des enfants meurent à chaque instant. C'était juste pour nous les montrer. Les rues sont maculées de sang. Il les a même pas fait tourner. Quelle différence ça fait, l'injustice ici ou là-bas? Quelle importance ça a, le destin de ceux qu'on ne connaît pas? Encore un quadruple homicide. Y'avait des frites à la cantine. Le père a raté son suicide. Mais elles avaient un goût de sardine. Les voisins ne comprennent pas. Un dessert mousse au chocolat, ça ne les ramènera pas. Mais je l'ai renversé sur moi. Quelle différence ça fait, les drames ici ou là-bas? Quelle importance ça a, le destin de ceux qu'on ne connaît pas? La bourse a encore dévissé. On va pas souvent au ciné. Les Grecs sont surendettés. On part au ski en février. Les sans-abri se multiplient. Ah, au fait, Paul, il a la mouille. Des logements brûlent dans tout Paris. Il en fait tous les vendredis. Quelle différence ça fait, les problèmes ici ou là-bas? Quelle importance ça a, le destin de ceux qu'on ne connaît pas? Quelle différence ça fait, les problèmes ici ou là-bas? Quelle importance ça a, le destin de ceux qu'on ne connaît pas?